avez reconnu le générique. Aujourd'hui dans l'histoire, c'est avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 1er mars avez-vous choisi de nous rappeler ? J'ai choisi le jour du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan, c'est-à-dire le 1er mars 1815. Nous avions fêté ça il y a 3 ans pour le bicentenaire, évidemment. On était en direct de Golfe-Juan sur Europe 1. Alors dites-moi, il arrive d'où à ce moment-là de l'île d'Elbe ? Oui, bien sûr, il y était assigné à résidence, étroitement surveillé par les alliés, notamment les Anglais. Cette fois, c'est terminé. L'empereur a décidé de reprendre sa liberté et éventuellement le pouvoir. Il a donc fui l'île d'Elbe le 26 février à bord d'un brick baptisé l'Inconstant. Vous avouerez que ça ne s'invente pas. Il a réussi à éviter soigneusement les navires anglais et le voilà donc qui débarque avec un petit millier d'hommes sur la plage de Golfe-Juan ce 1er mars 1815. En plein jour ? En plein jour, au vu et au su de tous. Il ne se cache plus, Napoléon. Maintenant, il entame ce qu'on a appelé le vol de l'aigle, qui vole de clocher en clocher vers Paris. Le 2 mars, il est avec ses hommes qui ont déjà parcouru plus de 60 kilomètres. Le lendemain, ils sont tous à Caslanes. Et puis, le 4, à Digne-les-Bains. Le 6, les choses se gâtent un petit peu à Laffray. On est juste à côté de Grenoble. La troupe du commandant Lessard attend de pied ferme Napoléon pour l'arrêter, au nom du roi, bien entendu. Mais les soldats vont se rallier à lui, si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Mais vous avez été une élève extraordinaire, Raphaël. Du reste, les effectifs vont grossir encore au fur et à mesure. Le 20 mars, Napoléon est à Paris, reprend le pouvoir. Alors ça ne va pas durer longtemps. Hein. L'épisode va entrer dans l'histoire sous le nom des 100 jours. Et après la défaite de Waterloo, cette fois le 18 juin 1815, là, Napoléon abdiquera définitivement. Le 22 juin, il sera envoyé beaucoup plus loin, là, à Sainte-Hélène. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission dédiée à la romantique en chef, Marie Dagout.